Casey, Real Records. Me ligari barbame, allo gazon. Mo me asoma lo leyeo da weyambe. Arrêtez-moi. Arrêtez, c'est pas de ma foto. Mo me asoma lo leyeo da weyambe. S'il a fait un pour moi, il fera deux pour toi. S'il l'a fait deux pour moi, il fera trois pour toi. Il y a oui que je connais, il n'oublie jamais personne. Mon ami reste calme, ma brother, mon ami reste calme. Ça va aller, Kumbili, Kumbili. Ça va aller, Oumbele, Oumbele, Oumbele. Il y a oui, c'est ton papa, oh. Il n'oublie jamais, jamais personne. Que tous les détoits tu sens pas. Ce n'est pas à cause de son job que t'es toujours célibataire. Si ça reste calme, mon ami Broda reste calme. C'est pas la peine de l'insulter sur Facebook, tu et Insta. C'est pas la peine de l'insulter, on l'était sur Insta. Si lui donne Toyota, il te donnera Ferrari. Si lui donne Ferrari, toi tu auras Lamborghini. Pardonne-leur Yahweh, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cards.